قلتي على جريان على جي وحرانة مصار ينسي يا العزيز عليا يا عمري غير قولي لي يا يا قلتي على جريان عنا باب الجاية مصنع نايمة ونسي يا العزيز عليا يا عمري غير قولي لي يا يا ما بوطي الجريان اللي دانجي اللي تخوف يا غير كوني سون باسي Tu veux la tester, faut assumer. Elle aime écouter du rail et se déhancher. Elle marche en équipe. Elle s'habille en survêt ou en jean. J'abonne toute la journée. Et le soir, elle sent le liquide. Trop de fierté, mais c'est comme ça. Ma beauté algérienne, elle est comme ça. Faut caraméliser, c'est son côté latino. Et à la mode, en cas, elle sort le drapeau. Trop de fierté, mais c'est comme ça. Ma beauté algérienne, elle est comme ça. Faut caraméliser, c'est son côté latino. Et à la moindre cas, ça sort le drapeau. Côté algérien, Alger ou Haran et Témissan. Bien si elle est Zizalia. Y'a Omri Rigoulilia. Côté algérien, Annaba Bidjaya Mustarana. Bien si elle est Zizalia. Y'a Omri Rigoulilia. L'été c'est Jazair au bord de la piscine. Tizi Ouzou, c'est Tifo Constantine. Ma beauté algérienne n'est pas naïve. Elle soutient ses fainés quoi qu'il arrive. Elle sait faire la diff. Arbeya, Chaouia ou Kabil. J'avance toute la journée. Et le soir, elle sort le liquide. Trop de fierté, mais c'est comme ça. Ma beauté algérienne, elle est comme ça. Faut caraméliser, c'est son côté latino. Et à la moindre occasion, elle sort le drapeau. Trop de fierté, mais c'est comme ça. Ma beauté algérienne, elle est comme ça. Faut caraméliser, c'est son côté latino. Et à la moindre occasion, elle sort le drapeau. Ma beauté algérienne, Alger ou Haran et Témissan. Bien si elle est Zizalia. Y'a Omri Rigoulilia. Ma beauté algérienne, Annaba Bidjaya Mustarana. Souf Mounir Kidadi, on est fort et fier, on vient d'Algérie. Pas de Miami, un Awarani. Tu connais les DZ, toujours en famille. C'est DJ Kaysouf Mounir Kidadi, on est fort et fier, on vient d'Algérie. Pas de Miami, un Awarani. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Ah, beauté, Algérien. Alger ou Haran et Témissan. Bien si elle est Zizalia. Y'a Omri Rigoulilia.